Enregistrement date du 3 janvier de l'année 2023. Donc, je vais aborder aujourd'hui plusieurs sujets. Tout d'abord, il y a une personne qui est en lien avec une vidéo que j'avais mise en ligne sur YouTube. Elle s'appelle Kémia Feu de l'eau. Donc, je la salue si elle m'écoute, qui m'a écrit. Que je trouvais intéressant, que j'avais envie de commenter. Kémia, feu de l'eau. L'eau et le feu, c'est comme deux éléments contraires, mais en tout cas, c'est particulier, là, comme nom, hein, feu de l'eau. En tout cas, bref, elle m'a écrit ceci, elle dit « J'ai connu des personnes âgées qui fumaient et qui mangeaient, pas spécialement sainement, mais qui avaient la parole quasi impeccable, et d'autres personnes qui avaient une certaine hygiène de vie, mais de la rancœur, du jugement, de la critique, ils sont partis relativement tôt en âge. Ce n'est qu'une constatation. Perso, j'ai arrêté pour vérifier ce que disait Daniel à propos de la manipulation astrale. Donc, sans doute qu'elle faisait référence à Daniel Kemp, ou peut-être c'était Daniel Ménard, je ne sais pas. Effectivement, l'ego trouve toujours des excuses pour justifier le geste. En fait, je vais contextualiser un petit peu son commentaire. J'avais échangé avec elle par rapport à la question de la pensée. Donc, c'est sûr que c'est intéressant d'aborder le fait que toutes les gens qui ont une hygiène psychique sont très ajustés et qui, dans le fond, peuvent manger mal, mais être en santé. Et t'en as d'autres au contraire, ils mangent très bien, mais ils tombent malades. En fait, c'est pas une garantie, c'est pas linéaire, dans le sens que quelqu'un peut bien s'alimenter par rapport à des normes qui vont être établies, là, que ce soit par rapport au guide alimentaire canadien ou par rapport à des diététiciennes. Et ces gens-là vont se ramasser malades pareil. Pourquoi? Ben, c'est au niveau de l'hygiène psychique qui est défaillante ou sur d'autres plans. C'est sûr, si la personne est exposée à des perturbateurs endocriniens, des produits chimiques toxiques, en grande quantité pendant une longue période de temps, ben, c'est sûr qu'à quelque part, ça peut nuire à sa santé. Donc, des produits chimiques, que ce soit dans l'eau, dans l'air, des rejets industriels ou autres. À mon avis, la santé, c'est multivariable. Et c'est sûr que l'idéal, c'est de manger sainement et de nourrir, d'entretenir également là, des pensées qui sont saines, propices à la santé, en plus de pas être exposé en grande quantité à des polluants atmosphériques. T'sais, prenons par exemple le cas de personnes qui vivent à côté d'une entreprise industrielle qui rejette dans l'air de l'arsenic qui peut occasionner le cancer. Bon, mais ben, c'est sûr que c'est pas l'idéal non plus. C'est multivariable. La réalité, la façon que je l'appréhende, c'est toujours du multivariable. Sinon, en fait, je voulais me prononcer aussi pourquoi j'appelle ça sujet multiple sur différents sujets. Tout d'abord, par rapport au phénomène extraterrestre, ce que je voulais dire, bon, j'ai fait une entrevue il y a quelques jours en compagnie de Bertold et Mona et je leur demandais s'ils envisageaient que les extraterrestres allaient entrer en contact avec nous là, pour l'année 2023. Je posais la question parce que, à quelque part, il y a des gens là, qui, dans le fond, véhiculent l'idée qu'en 2023, il va y avoir un changement de paradigme, il va se passer certains événements, qu'il pourrait y avoir une forme de contact avec les extraterrestres. Et puis, je voulais avoir leur perspective, mais ce que je veux vous dire, c'est pas parce que je pose la question par rapport à un sujet ou une théorie à l'un de mes invités, que ça veut dire que j'adhère à elle pour autant. Donc, est-ce que moi, je crois personnellement qu'en 2023, on va entrer en contact avec les extraterrestres d'une manière publique et ouverte et transparente? Je vais regarder qu'est-ce qui émerge en moi en cette date du 3 janvier 2023. La réponse, c'est non. Ce que si je demande à l'esprit d'élaborer sur le sujet, il me dit, mêlez-vous de vos affaires. C'est de la curiosité, la question des extraterrestres. Occupez-vous d'être bien dans votre peau. Mêlez-vous de vos affaires. En fait, ce que ça me dit, c'est que l'être humain n'a pas à courir par rapport aux phénomènes extraterrestres. S'il a entré en contact avec eux, ils vont venir vers lui. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à se préoccuper, il n'y a pas à faire d'anxiété, il n'y a pas à dilapider de l'énergie vitale en réflexion à leur égard, car s'il a réellement à collaborer avec eux, eh bien, ils vont se manifester à lui. Et s'il se manifeste à lui, il aura à faire preuve de vigilance psychique pour ne pas être dominé par eux malgré lui. Et chaque chose ira en son temps. Et le temps de l'agenda des extraterrestres à caractère évolutif qui voudraient travailler en concertation avec l'être humain, ça va être un temps qui va respecter les sensibilités des gens et leur capacité d'absorption du choc de leur présence. Autrement dit, ces extraterrestres-là ne chercheront pas à se manifester à eux d'une manière prématurée, de manière à les perturber, à les troubler inutilement. Donc, ça va être chaque chose en son temps, un petit peu comme quand la pomme est parvenue à maturité, naturellement, elle va tomber de l'arbre, elle ne fait pas d'effort, c'est un phénomène qui se fait tout seul. Et c'est la même chose par rapport aux contactés réellement, par rapport aux extraterrestres. Donc, ce que ça me dit intérieurement, cassez-vous pas la tête avec les dates. Chaque chose a lieu en son temps et l'agenda des extraterrestres qui vont avoir collaboré avec des êtres humains n'est pas nécessairement en relation avec le temps terrestre. Ils ont leur évaluation du temps, même peut-être que les êtres sur le plan éthérique ont leur façon d'évaluer le temps. Et les êtres humains sur Terre, la façon d'évaluer le temps des êtres humains sur Terre, c'est en relation avec la venue de ce qu'on va appeler le Christ Jésus. Comme là, par exemple, on est en 2023, donc en théorie, c'est 2023 ans après la naissance du Christ comme point de repère. Or, d'autres civilisations peuvent établir d'autres points de repère en fonction de d'autres critères que la naissance du Christ, la naissance qu'on dit de Jésus en fonction du calendrier officiel. Bon, c'est ça que j'avais à dire. Ou sinon, moi, en tant qu'individu, j'avais abordé lors de l'automne 2022 la question des changements climatiques, la théorie qui circule, qui a été véhiculé par l'organisme du GIEC à l'effet que si d'ici 3 ans, il n'y a pas des changements draconiens en relation avec la production de gaz à effet de serre, eh bien, on va se ramasser confronté à une situation irréversible qui va faire en sorte que la température va se mettre a augmenté et dans les prochaines années, la vie sur la Terre pour les êtres humains ne sera plus viable. On va avoir de la difficulté en tant que collectif à encaisser les chocs climatiques associés à la trop grande quantité de gaz à effet de serre et le réchauffement en termes de degrés Celsius va trop augmenter. Bon, mais j'ai abordé cette théorie-là véhiculée dans le cadre d'une entrevue que j'avais faite avec Berthold sur ma chaîne YouTube. Et là, ce que j'avais à faire comme mise en contexte, ben c'est pas parce que j'aborde ça que ça veut dire nécessairement que j'y adhère. Donc, il y a une nuance à faire. Des fois, je vais aborder des théories qui circulent sur le web, bon, dans les milieux alternatifs ou officiels, pour voir un petit peu comment mes invités se positionnent par rapport à eux. Mais ça veut pas dire que parce que j'aborde ces théories-là, que je suis un adepte par rapport à elle. Donc, une nuance très importante à faire. Pourquoi je vais aborder des sujets comme ça si je ne suis pas un adepte? C'est tout simplement parce que des sujets qui circulent, puis ça peut être intéressant d'avoir une perspective que vont me donner des invités à leur égard, parce que c'est des sujets dans l'air du temps qu'on va appeler, tout simplement. Bon, pour ce qui est de la question des changements climatiques par rapport au scénario du GIEC, on parlait de 3 ans, là, on est rendu en 2023, ça veut dire qu'il resterait 2 ans pour apporter un changement significatif par rapport à la production de gaz à effet de serre, sinon on va atteindre un point de non-retour, selon eux, qui est comme une fatalité, puis après ça, dépasser ça, si on, par exemple, la température augmente plus que 2 degrés Celsius, là, on se ramasse à des situations catastrophiques avec plein de réfugiés climatiques et autres. Donc, est-ce que, par rapport à ce scénario-là, est-ce que l'être humain a, premièrement, la capacité de mettre fin au changement climatique? La réponse qui émerge en moi, c'est non. L'être humain peut moduler, certes, le climat, D'ailleurs, il existe de la technologie par rapport à ça liée à l'assainissement des nuages, mais est-ce que le climat fondamentalement peut être contrôlé à 100% par l'être humain? La réponse, c'est non. Donc, c'est une lubie, c'est une croyance erronée de croire que l'être humain peut, dans le fond, modifier le climat de manière à, par exemple, à le stabiliser ou qu'il ne se réchauffe plus. Par définition, un climat, c'est-à-dire un système planétaire, c'est quelque chose, pour qu'il y ait de la vie, c'est qu'il faut qu'il y ait du mouvement. Or, s'il y a du mouvement par rapport à un système planétaire, eh bien, ça implique une forme d'instabilité. C'est comme le mouvement primordial qui a amené le Big Bang. Bon, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers est instable. D'un côté, il y a la force du Big Bang qui est une poussée de dispersion, puis simultanément, il y a la force gravitationnelle qui tend à créer des rassemblements d'atomes pour générer des soleils, des étoiles, des systèmes solaires, et ainsi de suite. Donc, il y a des forces antagonistes, des forces oppositionnelles, et ça crée du dynamisme. Si je pose la question par rapport aux architectes cosmiques qui ont donné place à l'univers physique, c'est-à-dire l'univers manifeste qu'on peut percevoir dans la vie de tous les jours, donc, est-ce que pour vous, ça serait sain que le climat devenait stagnant à cause de l'activité humaine? La réponse, c'est non. Ce que ça me dit, c'est que la vie, c'est le mouvement. Certes, il peut être intelligent que les êtres humains arrêtent de polluer l'air en grande quantité parce que, à quelque part, la grande quantité de carbone dans l'air, de gaz carbonique, ça peut nuire à la capacité pulmonaire d'individus, par exemple des gens qui vivent proches d'entreprises. C'est sûr qu'éventuellement, ce que ça me dit, c'est que l'être humain aura procédé à une transition énergétique dans l'optique que l'énergie qui soit utilisée soit moins destructrice par rapport à lui et la vie également de d'autres animaux. Donc, certes, c'est intelligent que l'être humain se soucie du respect de l'environnement, de la préservation de la biodiversité. Lors de l'année 2022 à Montréal, il s'était tenu un événement organisé par l'ONU pour favoriser le respect de la biodiversité, la COP15. Puis, à quelque part, il y a de l'intelligence derrière ça que les modes de vie, les modes de consommation de l'être humain soient ajustés à un plus grand respect de la vie, parce que pour amener l'émergence d'une variété de formes de vie, ça prend des grandes quantités de temps. Donc, si on amène plein d'espèces à l'extinction, eh bien, à ce moment-là, pour par la suite régénérer ce type d'espèces-là, ben, ça prend du temps et de l'énergie. Si je pose la question à l'esprit par rapport à... Que ce soit les prophéties concernant le premier contact avec les extraterrestres, la prophétie liée éventuellement à la régence planétaire, toutes ces choses-là, ce que ça me dit présentement, c'est de m'occuper de ça, de m'occuper d'être bien dans ma peau, de m'occuper d'être équilibré. Souvent, ce que ça me dit, par des raisons d'orgueil, l'être humain cherche à savoir qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir pour avoir un sentiment de mise en puissance, un désir de contrôle. Or, si l'être humain, par insécurité psychologique, cherche à prévoir l'avenir, eh bien, il risque d'être confronté au fait que, tôt ou tard, eh bien, il ne peut pas tout contrôler dans la vie. Certes, l'être humain, de par son activité psychique, peut pondérer des activités qui se déroulent à la surface de la Terre ou même son état de santé, dans le sens que quelqu'un qui a une volonté de vivre, la volonté d'être en santé, un peu comme la personne qui, dans le fond, a du plaisir de vie et est capable de s'amuser, être heureux pour rien, bon, ben ça se peut qu'elle mange moins bien qu'une autre personne, pourtant qu'elle vive d'une manière âgée. Donc, si je pense entre autres à des gens que j'ai connu entre autres, prenons ce que je connais, une personne que je connais très bien, en fait, ma grand-mère âgée de 99 ans, bon, ben, a mangé dans sa vie de la viande, et est toujours vivante, là. Tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, ah, ben, un mode de vie sain, c'est de manger nécessairement végétarien. Et là, la personne va avoir plus de longévité. Certes, il y a 75 ou 100 ans, la viande, ben, presque 100 ans, la viande, il y avait moins d'antibiotiques qui étaient utilisés par des éleveurs d'animaux. Il y avait moins de produits chimiques aussi qui auraient pu être utilisés, des hormones de croissance et ainsi de suite. Donc, de 75 ou 80 ans, l'agriculture industrielle n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, ce qui fait en sorte que c'est pas nécessairement la même viande qu'ils mangeaient. Mais des croyances qui peuvent être véhiculées à l'effet que manger de manière végétarienne, ça va donner la longévité. J'ai des sérieux doutes par rapport à ça. L'état d'être, ma grand-mère avait une volonté de vivre. J'ai une grand-tante aussi qui s'est rendue. En fait, sa sœur a 99 ans, puis elle aussi, elle mangeait de la viande, puis elle mangeait sucré. Elle aimait faire du sucre à la crème. Et son plaisir de vie, c'est que lorsqu'on allait la visiter, elle nous donnait des carreaux là, de sucre à crème là, pendant le temps des fêtes. Or, on s'entend, là, manger du sucre à crème, c'est sucré, c'est pas ce qui est le plus santé, là. Surtout par rapport à l'utilisation du sucre raffiné industriel, qui n'est pas du sucre naturel qu'on peut retrouver dans des fruits comme, par exemple, des oranges. Mais ces gens-là ont vécu d'une manière âgée. Donc, pour en revenir aux commentaires d'entrée de jeu que j'abordais dans le cadre de cette capsule audio, pour moi, l'essentiel, c'est en tant qu'individu, c'est de m'écouter puis d'avoir une hygiène psychique sur le niveau de ma pensée, puis par rapport à l'alimentation aussi, mais sans pour autant devenir fou ou zélé. Comme pendant le temps des fêtes, j'ai mangé du pâté mexicain à la viande. Donc, et de toute façon, même la personne qui prendrait toutes les précautions imaginables pour favoriser sa santé à travers l'alimentation, il est possible non plus qu'elle ne vive pas nécessairement âgée. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des variables qui lui échappent. Et aussi, j'avais déjà vu dans un documentaire une personne qui était très zélée par rapport à l'alimentation. Et à l'égard de ce qu'elle dégageait, c'était vraiment pas beau. On sentait l'autocontrôle, la limitation, la privation. Fait que finalement, la personne, voulant bien faire en s'alimentant sainement, était tellement dans le contrôle d'elle-même que je voyais à travers cette personne-là une personne qui était dépourvue de joie de vivre. Donc, sa vie semblait pas agréable. Et là, ça peut amener d'autres problématiques. Si la personne est dans ce qu'on a appelé l'anorexie mentale ou dans le contrôle trop grand, puis la personne elle vient avec un état d'une certaine tristesse, un certain état même de dépressif parce qu'elle se prive beaucoup, est trop limitée dans son mouvement, bon, mais peut-être que l'état d'être dépressif va faire en sorte que finalement, elle va sembler dans une dépression, puis comment dire, ça va nuire à son état de santé. Peut-être que son état dépressif va faire en sorte que, par exemple, elle va vivre une certaine forme de déchéance psychique. Donc, on peut être. Ça, c'est tordu, puis c'est compliqué, là. C'est-à-dire qu'on peut être récupéré par des comportements qui manquent d'ajustement à ce que certains vont dire, être dévitalisé par des plans astrales à différents niveaux. Et c'est sûr qu'idéalement, c'est de vivre sans se sentir coupable, car comme l'a été déjà mentionné par un conférencier, la culpabilité est un poison pour l'âme. Donc, moi, dans la vie de tous les jours, bon, il y a question de la menace des changements climatiques, à la biodiversité, la pollution. Bon, j'ai regardé dans mon quotidien si j'ai à faire des choses. Où ce que je suis au Québec, il y a des bacs de compostage bruns, bon, mais j'en mets dedans. Même chose pour le recyclage de bacs bleus. Bon, en fait, c'est d'être en congruence par rapport à soi-même. Donc, si on en fait quelque chose, il y a des actions qui peuvent être faites, ben oui, c'est à nous de les faire. De se sentir coupable de respirer, parce que quand on respire, on rejette du gaz carbonique, ça, c'est exagéré. Même chose pour se sentir coupable d'avoir des enfants. Parce que les enfants, c'est sûr, si l'enfant il utilise des couches jetables, s'il consomme par la suite, ça augmente la production de gaz à effet de serre indirectement. Tu sais, si l'enfant rendu à l'âge adulte il conduit une automobile à essence, ben là, si on réfléchit à toutes ces choses-là, on se perd. Donc, c'est des voies de perdition, de culpabilisation de l'individu inutile. Donc, pour être en santé, pour être en cohérent dans la vie, il faut faire ce qu'on a la vibration de faire. Et suivre la vibration, c'est très exigeant parce qu'il faut passer par-dessus des croyances ou des valeurs qui nous sont imprégnées par l'environnement et au conditionnement social. Il faut être capable de dépasser ça. Donc, c'est sûr que ça peut représenter un tour de force. Sinon, en fait, comme dans les derniers jours, il y a plusieurs personnes d'entre vous qui m'ont souhaité une belle année. Eh bien, je vous souhaite également une belle année. Donc, c'est sûr que tant qu'à faire, dans le fond, il est possible d'utiliser sa volonté, son intelligence, son énergie, son temps de cervelle que certains vont appeler pour bénir, pour investir. Donc, on peut utiliser son énergie pour bénir sa santé pour les prochaines années, bénir son intelligence, bénir sa capacité de compréhension, bénir à sa capacité de faire face à l'instabilité de l'économie mondiale. Donc, on peut faire un investissement de conscience, un investissement éthique par rapport à son énergie pour s'avantager. Donc, on peut faire ça. Donc, c'est sûr que moi, pour la prochaine année, je bénis ma capacité d'avoir une parole ajustée, ma capacité de concentration, de compréhension aussi du réel pour renforcer ces éléments. Donc, ça, c'est sûr que par contre, je suis pas naïf. Un peu comme pour les souhaits de la nouvelle année, on peut bénir, on peut demander des choses, mais la vie est une réalité qui est extrêmement complexe. Ce qui fait en sorte qu'on peut demander des choses puis obtenir autre chose. Et il y a toujours une partie de la réalité qui échappe à notre compréhension par rapport à des mécaniques. Et c'est sûr qu'avec la complexification de notre civilisation, où il y a de plus en plus d'échanges dans le système qu'est la société humaine, dans le sens que les gens sont en interaction entre eux avec des échanges verbaux, avec le web, avec différentes plateformes. Plus que d'interactions dans un système et plus il y a d'éléments dans un système. Donc, si on prend les êtres vivants, sur Terre sont nombreux. Les êtres humains sont rendus à près de 8 milliards depuis le mois de novembre 2022. Donc, plus que d'êtres humains, plus que d'interactions entre eux, etc., plus que la dynamique sociale devient prévisible car complexe. Et chaque personne émet des choses. Et c'est sûr que l'enjeu sur Terre, d'ailleurs c'est ce qu'ont compris les forces du gouvernement et également les publicitaires de multinationales, c'est d'orienter la volonté des gens par rapport à vouloir certaines choses, orienter leur énergie dans certaines directions plutôt que d'autres. Pourquoi? Ben, à quelque part, c'est pour les contrôler. Donc, le collectif va être orienté, par exemple, dans son comportement d'achat. On le voit à travers la publicité. Ça peut être dans ses comportements aussi de choix politiques qu'on peut voir par la suite aux élections, et ainsi de suite. Mais pour être détaché du collectif et être capable de s'écouter et suivre sa propre vibration qui vient de son esprit, c'est capable de prendre une distance par rapport au capharnaüm social, au bruit de l'environnement, qui va dans différentes directions, un peu comme de la musique qui peut parfois être entendue et qui est dissonante, car cacophonique, parce qu'il y a plusieurs agendas auxquels on est exposé à l'égard de différents systèmes de vie. Donc, la façon que je vois ça, ben, c'est de regarder ces choses-là avec un très grand recul. Et moi, personnellement, en cette année 2023 qui commence, je vise à être heureux en dépit de toutes les prédictions sombres ou pessimistes qui peuvent être faites au niveau d'une déchéance économique pour les prochaines semaines, les prochains mois. Parce que d'y réfléchir par rapport au collectif, ça ne changera pas le collectif. Ce que je peux faire, par contre, c'est de m'occuper de ma propre vie et de voir si sur le plan économique, j'ai à faire quelque chose ou non, et si j'ai à faire quelque chose, agir en conséquence, c'est tout. Le reste du temps, ben, c'est d'être heureux. Être dans l'état de vacances de l'esprit et de m'occuper d'être cohérent et en santé, en dépit de tout ce qui peut être dit et tout ce qui peut être fait là, dans notre contexte planétaire. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.